Chapitre 3e. À l'aube, nous franchîmes heureusement le Cédar pour pénétrer dans une savane plate et vaste qui s'étend entre cette rivière et Winnipeg et nous diriger plus au sud afin de nous rapprocher des forêts qui marquent la frontière de l'Iowa. Depuis le matin, Liliane n'osait pas lever les yeux sur moi. Elle semblait gênée. Cependant, quelle faute avions-nous commise hier? Elle ne quittait presque plus le chariot. Tante Atkins et Mrs. Grosse Vernor, la croyant malade, l'entouraient de soins. Seule, je savais ce qu'elle avait. Je savais qu'il n'était question ni de maladie, ni de remords, mais de la lutte d'une créature innocente contre la prévision qu'une force nouvelle, inconnue, allait la saisir et l'emporter, loin, loin, loin comme une feuille arrachée à un arbre. Elle avait le sentiment de son impuissance et sentait que, tôt ou tard, il lui faudrait se soumettre à cette force, oublier tout, et seulement aimer. Une âme pure s'arrête au seuil de l'amour, et quand elle se sent obligée de la franchir, elle défaille. Liliane semblait vivre en rêve. Moi, je me rendais compte de ce qui se passait en elle, et mon âme tressaillait d'allégresse. Était-ce un sentiment pur? Je ne sais. Mais quand, au matin, j'aperçus Liliane, l'air si là, j'eus la même sensation que doit éprouver un oiseau de proie quand il voit que la colombe, fascinée par lui, n'est plus capable de s'enfuir. Et cependant, pour rien au monde, je n'aurais causé la moindre peine à ma colombe, car j'éprouvais pour elle une immense pitié. Chose étrange, malgré tout, la journée entière se passa comme si nous étions mécontents l'un de l'autre. Je me martelai la tête pour trouver le moyen de voir Liliane seule à seule, et ne pus le découvrir. Heureusement que tante Atkins vint à mon aide. En effet, elle exprima l'opinion que le séjour prolongé dans la voiture était mauvais pour la jeune fille, et que celle-ci avait besoin de plus de mouvement, ce qui me suggéra l'idée de lui conseiller l'équitation. J'ordonnai donc à Simpson de lui seller un cheval, et comme nous n'avions pas de selle d'Amazon, on dut se rabattre sur une de ces hautes selles mexicaines dont se servent en général les femmes dans le désert. L'ordre formel de ne pas s'éloigner du convoi fut donné à Liliane. Il était difficile, il est vrai, de s'égarer dans cette prairie monotone, sillonnée d'ailleurs dans tous les sens par nos chasseurs. Aucun danger ne pouvait venir non plus du côté des Indiens, car cette partie de la savane était visitée par les pawnees qu'à l'époque des grandes chasses, dont la saison n'était pas encore venue. En revanche, les sentiers de la forêt étaient remplis de fauves et la prudence était utile. À vrai dire, je comptais que Liliane se tiendrait à mes côtés, ce qui nous permettrait d'être souvent seuls, car durant la marche, précédé seulement de deux guides métis, je devançais d'assez loin le convoi. Les mouvements de sa monture mettaient le désordre dans la chevelure de Liliane, et le souci de sa robe, trop courte à cheval, imprimait sur sa figure une irritation charmante. En s'approchant de moi, elle était tout empourprée. Elle savait aller vers un filet tendu, et le sachant, elle y allait quand même, bien que toute rougissante, comme à son corps défendant, et semblant n'y rien comprendre. Mon pauvre cœur battait comme celui d'un novice, et lorsque nos chevaux marchaient de front, j'étais fort irrité contre moi-même de ne savoir que dire. À proprement parler, quelque chose chevauchait entre nous, ou plutôt planait sur nos têtes, un troisième être invisible, l'amour. Alors une puissance mystérieuse me poussa vers Liliane, et faisant mine d'arranger les rênes de son cheval, je posai mes lèvres sur sa main appuyée à l'arçon de la selle. Une inexprimable félicité, plus grande que toutes les joies éprouvées par moi dans le cours de mon existence, se répandit dans toutes mes veines. Je pressai la main de Liliane et lui dis que si Dieu m'avait donné tous les royaumes de la terre et tous les trésors du monde, tout cela, je l'abandonnerais pour une mèche de ses cheveux. Je lui dis aussi qu'elle m'avait conquis à jamais, corps et âme. « Liliane, Liliane, poursuivis-je, je ne me séparerai plus de toi. Je te suivrai à travers monts et déserts et je baiserai tes pieds mignons et dévotement je me prosternerai devant toi. Aime-moi seulement un peu. Dis-moi si je compte pour quelque chose dans ton cœur. » Mon cœur à moi débordait, tout près d'éclater. Elle, toute confuse, ne put que murmurer. « Oh, Ralph, tu sais bien, tu sais tout. » Devais-je rire? Devais-je pleurer, m'enfuir ou demeurer là? Oh, je le jure, mon bonheur était sans limite. De ce jour, autant que mes devoirs m'en laissaient le loisir, j'étais auprès d'elle et jusqu'au Missouri, mes occupations devinrent de moins en moins absorbantes. Aucune caravane, peut-être, n'eut autant de chance que la nôtre pendant les premiers mois du voyage. Hommes et bêtes prenaient de plus en plus l'habitude de l'ordre. Je pouvais donc, à mesure, relâcher ma surveillance et la confiance croissante que mes compagnons avaient en moi faisait le reste. Chaque jour, je me persuadais davantage que mon plan hardi de conduire la caravane, non par la route traditionnelle de Saint-Louis et du Kansas, mais par Iowa et Nebraska, était le meilleur. Là-bas, à cette époque, régnaient déjà les chaleurs intolérables, et dans la vallée qui s'étend entre le Mississippi et le Missouri, les maladies creusaient des vides parmi les émigrants. Ici, au contraire, le climat plus tempéré nous garantissait contre ces maladies. Il est vrai que sur la première partie de son parcours, la route de Saint-Louis était plus sûre, n'étant plus menacée par les Indiens. Mais ma caravane, composée de 230 hommes, bien armés et aptes à combattre, pouvait ne pas craindre d'être assaillie par les tribus qui peuplent l'Iowa, tribus qui avaient pris plus souvent contact avec des Blancs, connaissaient déjà la vigueur de leurs poignets et n'osaient pas attaquer une forte troupe. Ce que nous avions à redouter, c'était leurs stampedes, c'est-à-dire les razzias nocturnes de mules et de chevaux, car le vol de nos bêtes de somme nous eut mis dans une position fort critique. Mais la garde y veillait avec soin, et presque tous mes compagnons connaissaient aussi bien que moi les roueries des Indiens. Ainsi donc, un certain ordre étant établi et le rôle de chacun assigné, je disposais de plus de temps qu'au début et pouvais le consacrer à mes affaires de cœur. Le soir, j'allais me reposer avec cette pensée « Demain, je verrai Liliane ». Le matin, je me disais « Je la verrai tantôt ». Et chaque jour, je me réveillais plus heureux, plus amoureux. Cela n'échappa point cependant à l'attention de la caravane, mais personne ne nous jugea mal. Liliane et moi jouissions de la sympathie générale. Une fois, en passant devant nous, le vieux Smith nous cria « God bless you, Captain, and your Lillian ». Et cette union de nos deux noms nous donna du bonheur pour la journée entière. Tante Atkins et Mrs. Grosvenor parlaient souvent à l'oreille de Liliane, ce qui la faisait rougir comme une pivoine. Mais jamais elle ne voulait répéter ce qu'elle avait entendu. Seul Henry Simpson nous regardait de travers, mais il s'en tenait là. Chaque matin, à 4 heures, j'étais déjà en tête de la colonne. Devant moi, à 1500 pas environ, les guides métis entonnaient des chants que leur avaient appris leurs mères indiennes. À la même distance me suivait le long ruban blanc des voitures. Quel doux instant alors quand j'entendais derrière moi, vers 6 heures, le choc des sabots d'un cheval. Et ma fleur, ma bien-aimée, s'approchait. La brise matinale se jouait dans ses cheveux. Ils semblaient mis en désordre par la course, mais en réalité, ils avaient été mal noués à dessein. Car l'espiègle savait que cela lui seyait, que je l'aimais ainsi, et que je baisais au vol celle de ses boucles que m'apportait le vent. Je faisais mine de ne pas m'en douter, et ainsi débutait notre journée. Je lui avais appris quelques phrases en polonais, et quand Liliane me disait bonjour en cette langue, elle me paraissait encore plus adorable, plus chère. Le souvenir de mon pays, des années de jadis, de ce qu'elle avait été et n'était plus, volait comme une mouette qui me serait venue à travers l'océan jusque dans ses savanes. Que de fois j'en eus la gorge serrée, mais j'en avais honte et retenais courageusement le flot de larmes prêt à jaillir. Elle, voyant ce qui se passait en moi, me répétait en polonais, comme un oiseau babillard, « Bonjour, bonjour, bonjour. » Comment ne pas aimer de tout mon cœur ce petit oiseau? Je lui appris encore d'autres mots, mais quand elle faisait un effort des lèvres pour articuler quelques consonnes rébarbatives et que je riais de sa prononciation, elle se fâchait comme une enfant et boudait. Mais jamais la moindre querelle n'eut lieu entre nous, sauf un jour un léger malentendu. C'était un matin. Sous le prétexte d'ajuster une boucle de son étrier, je me baissai. Le sang me monta à la tête et je couvris de baisers son pied, ou plus exactement son petit soulier tout déchiré. Elle replia sa jambe en répétant « Non, Ralph, non, non !» Puis entre elle et moi, quelque distance, et malgré tout ce que je pus lui dire, elle ne voulut plus se rapprocher de moi. Toutefois, dans la crainte de m'offenser, elle ne me quitta point pour retourner vers la caravane. De mon côté, je fis mine d'être 100 fois plus troublé que je ne l'étais en réalité, et je continuai la route en affectant un désespoir silencieux, comme si tout était fini pour moi. Je savais fort bien que la pitié parlerait bientôt en elle. De fait, inquiète de mon silence, elle passait tantôt à ma droite, tantôt à ma gauche, en me regardant dans les yeux comme une enfant qui veut savoir si sa maman est fâchée ou non. mais si désireux que je fusse de garder un air sérieux, je devais me détourner pour ne pas éclater de rire. Toutefois, cette petite bruit ne se reproduisit pas. D'ordinaire, nous nous amusions comme les écureuils des prairies, et parfois même, que Dieu me pardonne, moi, chef de toute une caravane, je faisais l'espiègle comme un gamin. Souvent, lorsque nous cheminions gravement, je me tournais subitement vers elle, comme si j'avais à lui communiquer quelque chose de très important. Curieuse, elle me tendait sa petite oreille, dans laquelle je glissais mon « je t'aime ». Alors, elle aussi, tout bas, souriante et rose, me répondait « also ». Moi aussi. Ainsi, en plein désert, nous nous disions nos secrets que le vent seul pouvait entendre. Les jours se succédaient, si rapides, qu'il me semblait voir le matin et le soir se joindre comme deux étincelles jaillies d'un briquet. Parfois, un événement imprévu troublait ces douces monotonies. Un dimanche, le métis Wichita prit au lasso une antilope de l'espèce des Dicks avec son petit. Je fis cadeau de ce dernier à Liliane, qui lui confectionna un collier auquel elle suspendit un grelot emprunté à une des mules. Le chevreau fut baptisé par nous du nom de Cathy. 8 jours après, il était apprivoisé et mangeait dans notre main. Durant la marche, je chevauchais d'un côté de Liliane et de l'autre brandissait Cathy, qui faisait 1000 fêtes et levait sans cesse vers nous ses grands yeux noirs. Passé Winnipeg, nous entrâmes dans une prairie unie, plate comme une table, vaste, fertile et vierge. Parfois, les guides disparaissaient dans les hautes herbes ou y voguaient comme au milieu des flots. Je montrai à Liliane cette terre inconnue d'elle et j'éprouvais de la fierté à la voir s'enthousiasmer devant la beauté de mon royaume. On était au printemps, dans la 2e quinzaine d'avril, saison de la floraison et de la frondaison de toutes les plantes. Tout ce qui devait fleurir dans la savane s'épanouissait. Le soir, de tous côtés, le sol fumait, comme de milliers d'encensoirs. Le jour, quand la brise agitait la surface fleurie, les couleurs rouges, bleues, jaunes miroitaient au point d'aveugler les yeux. Au-dessus du niveau des herbes vertes se haussaient les tiges élamées de fleurs jaunes qui ressemblent à notre cierge royal. Plus loin, les fils argentés d'une plante appelée tears, qu'on dirait faite de larmes ou de chapelets transparents. Mes yeux, habitués à lire dans le grand livre du désert, reconnaissaient ici des espèces familières, des sensitives blanches ou roses, fermant leurs pétales à l'approche d'un être vivant, de petites haches indiennes aux parfums lourds et soporifiques. J'apprenais à Liliane à lire dans ce livre divin. « Il te faudra, ma chère enfant, vivre au milieu des steppes et des forêts, » lui disais-je. « Familiarise-toi d'avance avec tout cela. » Par endroits, ainsi que des oasis, se dressaient des groupes de cotonniers ou de pins, tellement surchargés de vignes vierges et de lianes, qu'à travers ce rideau on ne reconnaissait plus la nature des arbres. Les lianes elles-mêmes étaient couvertes de lierre et de wachtia épineux rappelant l'églantine. Les fleurs s'épanouissaient à la surface, tandis que par-dessous ces voiles épais régnait une obscurité mystérieuse. Au pied des troncs gigantesques sommeillaient des flaques d'eau printanière que le soleil n'avait pu encore mettre à sec, et du sommet des arbres descendaient les chants merveilleux des oiseaux multicolores. Lorsque, pour la première fois, je montrai à Liliane ses arbres et ses cascades, elle s'arrêta, éblouie, et s'écria en joignant les mains « Oh Ralph, n'est-ce pas là un rêve ?» Elle ressentait quelque crainte à pénétrer dans ses profondeurs, mais un jour que la chaleur de midi se condensait avec la chaude haleine de l'atmosphère du Texas, nous y entrâmes, suivis de Cathy. Un petit étang réfléchit notre image sur sa surface limpide comme un miroir. Tout y était frais, sombre et solennel, comme dans une cathédrale gothique, et faisait naître une sorte d'angoisse. Le jour y pénétrait à peine, et de plus il se teintait de vert. Un oiseau, caché dans les lianes, jeta son cri « Non, non !» comme s'il voulait nous avertir de ne pas aller plus loin. Cathy tremblait et se pressait craintivement contre nous. Comme sur un signal, Liliane et moi nous regardâmes, et pour la première fois, nos lèvres s'unirent dans un baiser ardent. Ses yeux se voilèrent, ses mains qu'on eût dit secouées par la fièvre tremblèrent sur mes épaules. Elle s'abandonna, défaillit, et sa tête tomba sur ma poitrine. Nous étions ivres de bonheur et de félicité. Je n'osais pas bouger. J'aimais 100 fois plus que je n'aurais pu l'exprimer par des mots. Notre extase passée, nous sortîmes dans la prairie où la chaleur nous baigna de nouveau, dans le cadre de paysages familiers. il me semblait passer d'une chambre obscure dans la pleine clarté du jour. Liliane éprouvait la même impression, mais alors que j'étais débordant de joie, elle, influencée par la rivière dorée et plus encore par le souvenir des baisers dont ses joues étaient restées toutes brûlantes, demeurait toute confuse et inquiète. « Ralph, tu ne penses pas mal de moi ?» me demanda-t-elle brusquement. « Que dis-tu, chérie ? Que Dieu se détourne de moi si mon cœur recèle autre chose qu'un immense amour pour toi ?»« C'est parce que je t'aime, » fit-elle. Ses lèvres tremblèrent, elle fondit en larmes, et malgré tous mes efforts pour la rassurer, elle en demeura triste tout le jour.